Merci une fois de plus. Ceci donc fait suite à l'enseignement que je vous ai donné tout à l'heure. L'enseignement comment maîtriser les caprices des génies. La maîtrise des caprices des génies, cette technique que je vous ai donnée ici, je l'ai pu tout tirer de mes expériences initiatiques sur ce que j'appelle l'initiation douce. Alors, effectivement, j'ai été consulté et tout au long de la nuit, dès que j'ai fini cet enseignement, j'ai été consulté. Avant minuit, les frères m'ont contacté. Je parle de mes frères qui sont dans les loges, mes frères qui sont des sorciers, mes frères qui sont des prêtres dans certaines confréries. Ils m'ont dit que oui, la technique que vous avez démontrée au cours de votre show était très intéressante, mais c'est compliqué pour certains frères, parce que nous sommes avant tout africains. Nous sommes avant tout noirs. Donc aujourd'hui, je vais vous introduire à quelque chose que je vais pouvoir développer avec vous, avec l'autorisation des génies, bien sûr. Donc j'essaie de discuter avec ces frères-là, qui sont des frères très avancés dans la grande sorcellerie africaine. Et tous, dans la grande majorité, ont dit oui, il est question quand même pour moi de pouvoir mettre à la disposition du peuple, mettre à la disposition de nos frères africains qui pratiquent, qui sont dans certaines pratiques sorcières. Et il est quand même indispensable que ce dernier ne vont pas attendre de faire ce que vous, monsieur Moréau-Nouvier, vous avez fait pendant 46 ans pour en arriver à la maîtrise de ces choses. Alors que c'est des techniques la même semaine. La même semaine. Vous pouvez maîtriser cette technique-là et avoir accès. Donc, la technique que je vais pouvoir partager avec vous est une technique naturelle qu'on retrouve dans nos villages, qu'on retrouve dans les grandes villes et même ici aux États-Unis, vous allez découvrir cette technique-là. Elle n'est pas trop complexe, elle est simple et vous verrez vous-même comment vous allez apprécier ça. La technique, elle est toute simple. C'est une technique qui m'a été légué par certains prêtres, certains frères, bien sûr, des prêtres africains, qui sont dans nos pratiques de chaume. La technique, on l'appelle la technique du chapeau noir. La technique du chapeau noir, c'est par cette technique que vous pouvez donc, selon nos traditions africaines, selon les traditions de chenou en Afrique noire, c'est-à-dire les techniques que nos sorciers africains utilisent, que ce soit les sorciers en bien ou les sorciers en mal, ils reçoivent un chapeau noir. Mais d'où reçoivent-ils ce chapeau noir? C'est de ça que je vais vous donner quelques prémices et je me prendrai le plaisir. Permettez-moi de regarder mon calendrier du travail pour pouvoir ici, si vous voulez, pour pouvoir ici donc, avec la permission bien sûr des génies, avec la permission de nos ancêtres, ils m'ont donc autorisé de partager ceci au public. Ok, Monday the 7th. Bien. Si Dieu le voudra, jeudi ou vendredi de cette semaine qui a commencé aujourd'hui dimanche, je vous parlerai de cela dans les détails. Mais aujourd'hui, retenez simplement que dans les grandes lignes que je vais pouvoir vous expliquer, la technique du chapeau noir, elle est toute simple. Tout cet enseignement, je préviens, ça va être réservé uniquement à tous ceux qui sont déjà des grands maîtres, c'est-à-dire ceux qui sont déjà des sorciers confirmés, des prêtres, des initiés de haut niveau. Ce n'est pas réservé aux étudiants des sciences occultes. Donc, tous ceux qui sont étudiants des sciences occultes, s'il vous plaît, ceci ne vous intéresse pas. Ça s'adresse uniquement à tous nos frères qui sont avancés dans la véritable connaissance des rites de l'Afrique. C'est le chapeau noir. C'est le chapeau noir. C'est ça. Mais parmi ces deux chapeaux, il y a un que j'ai reçu là-bas. Mais je ne vous dirai pas lequel. Alors, ce chapeau noir, c'est celui qui renferme tous les pouvoirs, qui vous permettront de maîtriser les caprices des esprits, quelles que soient leurs origines. Que ce soit des esprits en provenance de nos terroirs africains, c'est-à-dire nos génies, nos ancêtres, que ce soit des esprits de l'Inde, que ce soit les esprits juifs, les génies de la Kabbale, que ce soit les esprits de n'importe quel coin de la planète Terre, puisqu'ils ont quelque chose de commun. qu'on appelle le royaume des morts. Justement, c'est au royaume des morts que vous irez récupérer ce chapeau noir. Mais qui vous remettra ce chapeau noir? C'est ça dont je vous parlerai. Donc, c'est au cimetière. Au cimetière, oui, vous avez bien entendu. Au cimetière, à l'entrée du cimetière, vous allez faire un grand rituel. Vous allez invoquer, vous allez incanter le cimetière du commun des mortels que vous regardez. Et de là, si vous suivez très bien les instructions que je vais vous donner d'ici vendredi, c'est de la haute magie pratique, cérémoniale, réservée uniquement aux initiés. Donc une fois vous allez le faire, eh bien quelque chose se passera. Vous allez avoir accès à ce qu'on appelle l'entrée au royaume de mort. Mais ce royaume de mort est un royaume réel. Il y a les voitures qui circulent, il y a les marchés publics, il y a des maisons, il y a des activités. Vous allez retrouver tous ceux qui vous ont quitté. Il y a de cela près de 1000 ans. Ceux qui vous ont quitté, il y a de cela près de 200 ans ou 400 ans. Tous ces mecs-là, vous allez les retrouver. Donc, la technique se passe carrément à l'entrée du cimetière. C'est à l'entrée du cimetière qu'on vous remettra ce chapeau noir. Ce n'est pas à l'entrée du cimetière, naturellement. Quand vous serez à l'entrée du cimetière, donc vous allez faire le rite. Et une fois vous faites ce rite, les portes vont s'ouvrir. Et quand ces portes vont s'ouvrir, vous allez donc voir les merveilles. Parce que le rite que vous allez faire, le gardien, la première personne que vous allez rencontrer, c'est le gardien du cimetière. Mais le gardien du cimetière, ce n'est pas un être physique comme vous. Mais une fois, ce qu'on appelle les entrées portiques, le portail qui vous permet de rentrer dans l'autre monde. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit ça, que le monde physique, c'est parallèle au véritable monde. Mais il faut percer le rideau, aller au-delà de ce rideau. Comme un brouillard. Vous regardez le brouillard, mais une fois le brouillard s'est dissipé, alors vous voyez la réalité. Vous comprenez? Donc, vous allez vous y rendre là-bas. Et c'est le gardien du royaume des morts qui viendra, et vous le verrez. Il vous remettra quelque chose. Il vous remettra son chapeau. Le chapeau du pouvoir. Une fois vous avez ce chapeau de pouvoir, vous aurez des merveilles à faire avec ça. C'est ce chapeau donc qui vous permettra désormais de commander n'importe quel esprit. Vous pouvez vous amuser à commander n'importe quelle magie. Magie d'Inde, de l'Afrique, de l'Europe, n'importe quel esprit. Vous pouvez travailler avec les esprits des eaux, du feu, de la terre, de l'air. Tous ces esprits seront sous vos commandes. Connaissez-vous quelqu'un qui porte un chapeau noir? Connaissez-vous un initié qui porte un chapeau noir? Vous avez la réponse. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Je viendrai vous montrer la technique. Comment nous, en tant qu'Africains, dans notre sorcellerie africaine, quelles sont les techniques que nous pouvons utiliser pour maîtriser les caprices des esprits. Vous serez en mesure de commander les esprits. Une fois vous partez au cimetière, tous ces mecs-là ne sont pas morts. Vous allez retrouver vos parents, vous serez surpris. Parce que vous aurez le code d'accès. Mais ce code d'accès, je vais le donner aux initiés la semaine prochaine. Je le répète, ce rite n'est pas à être fait par n'importe quel niaquin, sinon vous serez frappé de mort. Vous serez frappé d'abord de folie et ensuite mourir. Donc, je le répète, que ce rite est réservé uniquement aux initiés. Rien qu'aux initiés. Rien que les initiés. Donc, retenez cela. Donc, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour ce rite. Et que d'ici là, merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci. Que t'aies à moi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Avant de nous séparer, nous allons écouter un peu cette petite mélodie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mundo mama ko bena kumi tuwa ba kuma ko bendeva. Imojenga me ko bena kumi tuwa ba kuma permettra d'aller rencontrer le gardien, le chef du royaume des mondes. Celui-là même qui garde tout chaque cimetière dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel village de l'Afrique et voire de l'Europe, il y a toujours quelqu'un. Voilà pourquoi la plupart des croque-morts portent toujours un chapeau noir. Ils savent, même les sorciers, les magiciens, les grands maîtres maçonniques, tous ces mecs-là, ils ont toujours l'autorité. Ils portent. Mais il faut être fort. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir un peureux, il ne faut pas être un gnaquin. Il faut être très avancé, il faut être un véritable maître mystique qui maîtrise la peur, qui maîtrise tout. Et c'est ainsi, le chef du royaume des morts vous remettra ce chapeau noir. Merci beaucoup, que Tetamwanga vous bénisse. Merci encore, bon week-end, bon samedi soir, bon, on est presque à minuit. Et bon dimanche, et d'ici là, on se retrouve entre mardi ou vendredi pour venir développer cet enseignement-ci. Merci encore, merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci, merci, merci encore, merci, merci, merci. Soyez bénis, Pateta Mouk. Merci, merci.